peu les battements de mes cils quand elle bouge. Au fond de moi, je n'attends qu'une chose, que tu me touches, que ta main prenne la mienne, que le feu brûle entre nous. Même si intérieurement j'ai brûlé ardemment, prenons donc le temps de sympathiser. Faisons mes connaissances, savourons l'instant, ta voix ici tous, laisse-moi l'écouter. Dans l'eau, allons gamin des wanis d'anguille.